dans la piole de ta frangine. On veut du punk, du rap et du métal bien lourd. Dans ta cave, ton garage et ton séjour. Pousse le son, les meubles du salon. Pousse le son, pousse le son. Pousse le son, les meubles du salon. Ce soir, c'est Pogo à la maison. Pousse le son, les meubles du salon.